Le petit tuc en plus cet été, c'est de regarder M6 Météo avec Tuc, les biscuits de tous vos apéritifs. C'était M6 Météo avec Tuc, les biscuits de tous vos apéritifs.